Le jeudi 6 avril, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les missions à l'étranger du maire Régis Labeaume auraient coûté au moins 400 000 $ aux contribuables de Québec ces 9 dernières années. C'est du moins l'estimation présentée par l'opposition municipale qui a comptabilisé 45 voyages depuis le début du premier mandat du maire en 2008. La chef de l'opposition, Anne Guérette, réclame du maire plus de transparence. Elle aimerait en savoir plus sur les retombées économiques réelles de ses visites. Le maire n'a pas offert de commentaires pour le moment, mais il s'est plusieurs fois félicité par le passé des retombées importantes de ses voyages qui ont permis à des entreprises de la région de se faire connaître. Scène provinciale, le ministre des Finances Carlos Letao n'est pas impressionné par le montant de 200 millions de $ réclamé en compensation financière par les entreprises Petrolia et Corridor Resources dans l'éventualité où elles devaient quitter l'île d'Anticosti. Il affirme avoir la marge de manœuvre nécessaire pour dédommager ces entreprises. Une négociation est engagée entre les avocats de l'État et les pétrolières pour en arriver à une entente sur le bris de contrat. Le ministre Letao justifie sa décision de se désengager d'Anticosti par l'absence d'acceptabilité sociale du projet. Il parle également d'un mauvais projet hérité du précédent gouvernement péquiste. Le gouvernement du Québec a présenté un amendement à son projet de loi pour lutter contre la maltraitance des aînés. Il dit finalement oui à la dénonciation obligatoire à toute forme d'abus dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée. Ce ne sera cependant pas le cas dans les lieux qui accueillent des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes, où la décision de porter plainte ou non contre des gestes inappropriés devrait revenir aux individus, selon la ministre responsable de ce dossier. Elle souhaite faire adopter son projet de loi 115 d'ici l'été. Enfin, la Mauricie est secouée par une histoire de triple meurtre commis la nuit dernière dans le secteur de Shawinigan. Un homme de 51 ans est soupçonné d'avoir assassiné deux femmes dans une première résidence, puis de s'être pris à une troisième femme et son conjoint dans une résidence de Saint-Mathieu-du-Parc. L'homme aurait également tenté d'incendier au moins une des deux demeures. La Sûreté du Québec mène l'enquête. Printemps, été, automne, hiver, météo. Un avertissement de pluie est en vigueur. La pluie va débuter tard cet après-midi et se poursuivre au cours de la nuit. On attend jusqu'à 25 mm de pluie, des vents assez présents à 30 km/h et rafales à 50. Il fera 3 degrés cet après-midi. Demain vendredi, de la pluie également, 3 degrés aussi. Samedi, 5 degrés, ce sera nuageux et le retour du soleil, c'est pour dimanche avec 8 degrés. Présentement, on a 4 degrés à Québec, c'est généralement nuageux.